club de référence. Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial This Is. Et c'est parti pour la dernière de la semaine. Bonsoir et bienvenue à vous tous. Bonsoir This Is, comment on va? Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais la danse du ventre? Non, c'est la nouvelle danse qui bientôt va sortir dans le prochain clip. Allez, matez les images, on est en direct sur le skyrock.fm également. Sinon, vous nous écoutez dans toute la France. Comment ça va? Eh ben, très bien. Est-ce que la journée a été bonne? Eh ben, elle a été plutôt très bien. D'accord, plutôt très bien. Non, vraiment. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit résumé de ce qui s'est passé hier soir dans l'émission? Vas-y, parce que hier, je crois que c'était fou. Ah, hier soir, c'était totalement dingue. Hier soir, on a passé évidemment les sons Kamikaze, on va débuter avec dans un instant. Mm-hmm. Le morceau Fuck les problèmes. Il y avait aussi une grosse exclue que l'on a appris hier dans l'émission. Mm-hmm. Le nom de ton nouvel album. Mm-hmm. De mon prochain, mais attends. De ton prochain album. Ouais. Qui s'appellera donc Rap Machine. C'est ça. Si j'ai bien retenu. Ouais. On a passé le morceau aussi Rap Genius. Yes. Et on a eu le droit à un gros freestyle baptisé version remix. Mon cul, est-ce que c'est du KFC? On a eu le droit à ça hier soir. La cité a perdu la tête, décapité, les rappeurs parlent de... Ça commence à monter là, hein. C'était chaud là. On a tous capitulé, quelques résistants, trop médiocres pour être efficace, c'est plus que du rap. Ah, je reprends sa place, d'ici le micro en l'air. Ah. J'écarte Moïse. La merde, ok, ah ouais, Moïse. Dis-moi avec qui. C'est avec ce titre là que je suis revenu, hein, il y a deux ans. C'est mignon. Un nouveau morceau, oh. Et là je peux vous dire que ça a été violent. Un nouveau dos, un nouvel album, bah, un nouveau logo. Tu veux que ça parte en pogo, j'ai tout ce qu'il faut. J'suis un peu zinzin. Avec une sacrée équipe derrière toi, hein. Ah bah oui, c'est nos musiciens. On peut voir les images sur le skyrock.fm. Non, je parlais de ton équipe, pas de musiciens, les autres. Ah, tu parles des narbis qui dansent. Voilà. Ah ouais, bah, c'est comme ça sur scène aussi. C'est pas vrai. Il faut une grosse pause, un gros stop, un abandon de poste. Quelques potes, un bon spot, derrière non-stop. Je sais pas, change de job, change de life, change de contexte. Cette fois, un nouveau plan, un nouveau concept. Tout le monde. Changement de programme. Tout le monde. Programme. Dis-le. Ah bah voilà. La petite chorale derrière. La chorale derrière. Le Sayonara avec la chorale dans le studio. C'était hier soir dans l'émission, autant vous dire qu'on s'est bien amusé. Ouais, c'était nice. On a eu du live, que le live est dispo sur skyrock.fm. Et rien que pour voir franchement le corps de This Is. Dis donc toi. Une partie du corps de This Is. Allez, matez les images, c'est sur skyrock.fm. Ah non, je suis monté sur la table parce que c'est Kamika, c'est fou, tu vois. Avec Danny Sinté qu'on salue aussi. Ouais, qui est monté sur la table. Et avec qui est monté. Son synthé guitare. Incroyable. C'est fou, non? Bon, ce soir, ce sera fou aussi? Ouais, mais surprise, Marcel Béliveau. Enfin, pour ceux qui connaissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir du live avec des surprises? En fait, on va faire une version spéciale de Rap Genius. Voilà. Rap Genius, c'est ce morceau qui dure 7 minutes où tu kicks, hein. C'est ça. Bah là, il va durer peut-être 15 minutes où on va avoir du kickage. Ah ouais? Ouais. Toi tout seul? Non, surprise. D'accord, on dit rien pour l'instant. Voilà, surprise. Ok, on débute avec Kamikaze. C'est parti. Allez, coup d'envoi d'ici, c'est la dernière ce soir dans Planète Rap. Ouais, ouais. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap spécial This Is. Je pense qu'à la fin de ce morceau, ce sera du grand n'importe quoi. Un nouveau morceau, nouveau flow. Je vais te le casser, te faut un nouveau dos. Un nouvel album, un nouveau logo. Tu veux que ça parte en pogo, j'ai tout ce qu'il faut. Saute. Encore. Saute. Couplet. Tu dis que ton patron, c'est un fils de lâche. Il fait faire des choses que lui ne fait pas. Mais tu sais pas ce qu'il te cache, c'est que ses supérieurs lui font faire ce qu'ils font pas. Bureau ou usine, on taffe à la chaîne. Tu tiens à ton boulot, donc tu tiens à tes chaînes. Et toute la semaine, tu contiens ta haine comme un kamikaze, tu sautes tous les week-ends. K-A-M-I-K-A-Z-E. Comment ça, tu veux pas danser? Et mon cul, c'est du KFC. Et mon cul, c'est du KFC. Et mon cul, c'est du KFC. Saute pas. Doucement. Saute pas. Eh hey saute pas. Du calme, les gars. Non, saute pas. Non. Là, tu sautes pas. Là? Saute pas. Saute pas. Un couplet. T'as envie de te barrer comme un haut danois. Tu veux prendre un billet pour Yokohama. Mais t'hésites depuis Fukushima. T'as pris trop de temps, du coup tu restes chez toi. Comme au McDo, tu veux pas lâcher le steak. Tu t'accroches à ton taf, tu t'accroches à ton chèque. On est des kamikazes, on est tous givrés. On saute en concert pour pas le faire en vrai. Saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute. Encore. Saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute. Refrain. K-A-M-I-K-A-Z-E. K-A-M-I-K-A-Z-E. Comment ça t'as pas envie de danser? Et mon cul c'est du KFC, hein? Et mon cul c'est du KFC. Et mon cul c'est du KFC. Prends pour une merde, on te regarde pas. T'es comme les maths au collège, on te calcule pas. On m'a tellement rabaissé, c'est que je pète un câble. Mental kamikaze, j'me la raconte grave. J'suis le meilleur rappeur du monde. Qu'est-ce qu'il y a? Un peintre avec des mots, Basquiat. Heureusement que j'ai une go pour toi et que je crois en Dieu. Pousse-toi. Qui peut test ma famille, hein? Qui peut test mon public, hein? On sait tous que j'peux faire du blé. Combien de fois un? J'ai pu tous les doubler. J'fais des tubes quand j'veux, je chie le matin. Alors parle bien, espèce de petite catin. Les MC m'entendent dans la goutte au nez. Vendent de la poudre aux yeux, ils ont la poudre au nez. Font tellement les trottoirs sont faits goudronnés. Tous ces rappeurs auto-couronnés vont se faire goumer par des croûtes gronnées. Sont tellement rançonnés, ça plus à qui donner. En fait, dans le rap, je suis un peu Dieudonné. Je suis plus pompé, mais je suis le moins nommé. Et on m'écoute en secret, tu crois qu'on sait pas. De qui tu t'inspires, tu recycles, tu crées pas. Méfiez-vous que je dise pas vos blagues. D-I-S-I-Z Kamika. D-I-S-I-Z Kamika. D-I-S-I-Z Kamika. Je suis un peu zinzin. Je suis un peu zinzin. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec This Is et ce morceau qui s'appelle Kamikaze qu'on retrouve sur l'album Translucide. This Is avec nous. On dévoile toujours rien. On dit rien pour l'instant. Non, pas pour l'instant. Impossible de dire quoi que ce soit. Si, peut-être que dans un instant, on vous passera le morceau et même sûrement d'ailleurs le morceau, puisque vous êtes nombreux à nous demander le morceau, des morceaux de l'album Translucide. Mmh. Chaque soir, on fait un petit point via les réseaux sociaux, via la page Skyrock, Facebook, Twitter, etc., etc., etc. Mmh. Et alors ce soir, le morceau qui a été le plus demandé. Le son de l'album le plus demandé ce soir pour conclure cette semaine, c'est Spirale. C'est ça. Et c'est un des titres que les gens apprécient le plus sur, mmh, sur le disque. Pourquoi? Spirale. Comment tu l'expliques? Je sais pas. Écoute, on met la même force et la même implication dans tous les titres. Mais voilà, après, les gens, ils en préfèrent certains à d'autres. C'est avec Mad. C'est avec Mad. On l'avait interprété en live, mmh, je crois que c'était mercredi. Oui. C'est un titre que j'aime beaucoup, qui a été produit par Marcus Lewinsky. Et ouais, non, c'est moi, en tout cas, c'est mon titre préféré sur l'album, tu vois. Donc, mais ouais, non, j'aime beaucoup, beaucoup ce titre. Celui-ci, c'est pas Khadija, tu nous as pas dit Khadija en début de semaine. Ah non, j'ai toujours été cohérent, c'est Spirale. D'accord, d'accord, donc c'est Spirale, ben, on va le balancer dans un instant. On va dire quand même un petit mot sur cette dernière dans Planète Rap. Ouais. Quel est l'avenir pour toi d'ici? Il y a la tournée, il y a Lille là, ça approche, ouais, dans 6 jours, c'est la semaine prochaine, jeudi prochain. Exactement, jeudi c'est Lille, le lendemain, mmh, on sera au Havre. Donc le 28 on sera au Havre, le 29, donc après on sera, le 29 mars on sera à Jouy-le-Moutier. Ensuite, on fait Paris La Défense le 4 avril, Massy Palaiseau le 5 avril. Là, quoi, je donne les autres dates, là, tout de suite, déjà? Bah, vas-y, filez. Ok, ok. Alors, pour les gens, prenez vos papiers, stylos, voilà. Alors, notez-les sur vos téléphones. Alors, ensuite, le 4 mai, on est au festival Ink Rock, à Incourt, en Belgique. Le 7 juin, on est à Tours, au festival Au Quart de Tours. Le 8 juin, à Saint-Poix, au festival Papillon de Nuit. Le 27 juin, les Solidays à Paris, première fois que je fais les Solidays, je suis bien content. Le 28 juin à Septmont, dans le 02, Festival Picard. Le 4 juillet à Nord-sur-Erdre, pour le Festival de la Nuit de l'Erdre. Le 20 juillet à Dour Festival. Mmh. Et le 21 juillet au Francofolie de Spa en Belgique. Très bien, donc loupez pas This Is près de chez vous, This Is en tournée. Ouais. Et puis, toutes les dates, on peut te suivre aussi, hein, pareil, je disais, sur les réseaux sociaux, on peut tout savoir. C'est ça, exactement, sur This Is FR, sur Twitter, This Is FR sur Facebook, This Is FR sur Instagram. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise autour de cet album de Translucide qu'on a pu oublier peut-être cette semaine? Eh ben... Qu'est-ce que t'aimerais ajouter? Bah écoute, que c'est un peu le là où je suis content, c'est que j'ai connu le succès très jeune, à 19 ans, tu vois, et que là je suis revenu, que je suis bien dans mes pompes, et que ce disque là c'est un peu une espèce de synthèse sur toutes ces années là et qu'on retrouve le This Is détendu du début et qui est cool, mais aussi un This Is un peu plus énervé, un This Is qui kick, qui rappe. Il y a un peu tout là dedans et je suis bien content, et c'est un disque de scène qui se défend sur scène. Et voilà, en concert, c'est très, très, très, très bon. Bon, est-ce que le bilan de This Is te satisfait? Est-ce que, voilà, ta carrière musicale te satisfait? Bah, tu sais. Est-ce que t'es heureux? Franchement, ouais, je suis très heureux. Quand tu regardes le parcours en arrière. Ouais, il y a eu des choses un peu compliquées, mais voilà, quand tu compares à quelqu'un qui vit en Afghanistan, tu vois, tu relativises tout de suite. Puis je vais pas me plaindre, tu vois, moi, je vis de ma musique, je me sens béni, franchement, je suis trop heureux. Donc, t'aurais imaginé justement il y a les 10-15 ans vivre de ta musique, pouvoir faire des tournées comme ça ou... Non, et surtout j'aurais pas imaginé durer aussi longtemps. Tu vois? J'aurais pas. Donc, tu devais y faire quoi en fait? Il y a une 10-15 d'années. Si t'étais quand même dans la musique, mais t'avais aussi une option. Ouais, je pense que, tu sais, moi il y a 5-6 ans, j'ai repris mes études quand ma carrière battait un peu de l'aile. J'ai repris mes études, j'ai passé mon bac. D'ailleurs, un petit message pour tous ceux qui veulent reprendre leurs études. Il y a un diplôme en France qui s'appelle le DAEU. Diplôme d'aptitude aux études universitaires. C'est une équivalence au bac. Tu peux le passer à n'importe quel âge. Moi, je l'ai passé à 30 ans. Et d'une manière autodidacte ou d'une manière autodidacte, c'est-à-dire que tu vas cours, à la fac. Ouais. Ah oui, tu vas à la fac cours, ouais. tous les matins pendant 6-7 mois. Tu passes ton bac, t'as ton bac, c'est un vrai bac. Tu peux faire médecine après si tu veux, ou tout ce que tu veux, ou du droit. Moi, j'ai fait du droit après. Ouais, c'est un examen, c'est une vraie valeur d'examen, quoi. Exactement. Donc, tous ceux qui savent pas trop quoi faire, vous pouvez essayer ça. Ah oui, donc t'avais pris, toi, il y a 5-6 ans, t'as repris les études? Ouais, j'ai repris mes études, j'ai passé mon bac, et s'il te plaît, je l'ai eu avec mention, bien, s'il te plaît. Voilà, ça t'a donné envie de faire des bouquins, puisque t'écris aussi. J'ai eu 17,5 en français. Bah, magnifique. Magnifique. Voilà. Non, mais c'est vrai que ça t'a donné. C'est à ce moment-là où t'as eu envie de faire des bouquins? Non, non, non. Ça travaillait depuis. Non, ça me travaillait depuis tout petit. Mais j'osais pas le faire. Après, j'ai osé vers 26-27 ans, et j'ai écrit un premier roman, et après un second roman. Mais je vous conseille plus mon second roman, René. Ouais. D'ailleurs, c'est un roman que les petits peuvent lire. Le pitch. Le pitch, ça se passe en 2017. C'est après la fameuse élection. Voilà, après une élection présidentielle dans laquelle l'extrême droite prend le pouvoir, elle met une batterie de lois répressives contre les jeunesses, contre la jeunesse des quartiers populaires. Et il y a un petit. Et donc, oui, et une des lois, c'est de rabaisser la majorité légal à 15 ans. D'accord. Voilà, aujourd'hui c'est du temps, là c'est à 15 ans. Et donc, à 14 ans, je dis des bêtises, à 14 ans. Et donc, il y a un petit qui s'appelle René qui va être mêlé à un crime, est-ce qu'il l'a commis, est-ce qu'il l'a pas commis, et on le suit tout un été comme ça, en train de fuir, on ne sait pas pourquoi. Mais voilà, c'est un livre drôle, très cru, très très cru, et c'est une histoire qui se suit. Et adaptation au ciné ou pas? Ah, j'aimerais bien. T'y as pensé? Ouais, non, j'aimerais bien. Ça t'a fait du ciné. Il y a eu Dans tes rêves, évidemment. Ouais, je vais en refaire. Il y a eu Cheport. C'était ça? C'était Cheport, non? La Cheport. Ouais. Et là, tu vas en faire du ciné? Ouais, il y a des petits projets qui sont en train de se monter là. Genre? Bah, je peux pas tout dire. Bah, si. Non, pas hier, t'as dit Rap Machine, tu vois. Ouais, veux mais dire. Déjà, bah, dis donc, t'es gourmand, en fait. Non, mais c'est parce qu'en fait, je peux pas dire, parce que tu sais, au cinéma, tant qu'on n'a pas dit action pour le premier jour de tournage. Vaut mieux la jouer. Ouais, il y a plein de trucs qui, au dernier moment, on n'a pas le financement, la chaîne ne veut plus, tout ça. Donc, c'est très compliqué. Mais c'est quand même bien parti. Ouais. En fait, je suis de retour. Voilà. D'accord. Voilà. Tu es de retour. Lucide, extra lucide, translucide. Après Decision, dans lequel j'avais dit que j'arrêtais, et ben là, c'est un retour. Tiens, t'as vu, il y en a un qui s'appelle René, alors je sais pas s'il l'a fait exprès ou pas, qui envoie un message. Ouais. Et le roman est excellent, je recommande, moi qui aime pas lire. Je pense que c'est la meilleure des critiques. Très très bonne remarque. Non, c'est vrai, parce qu'en plus ça se lit facilement. Ça s'écrit difficilement, mais ça se lit facilement. Très bien, bah dites-nous si vous avez récupéré les bouquins de This Is, ce que vous en pensez. Petite chronique littéraire ce soir dans Planète Rap, avant de passer au freestyle. Allez-y avec le hashtag This Is sur Skyrock. On le met ce morceau Spirale? Ouais, c'est parti. On le balance? C'est parti. Allez. C'est sur l'album Translucide avec Matt, This Is. tu fumes gris. Et tes amis disent que t'es aigri, mais c'est des choses qui se disent. Qu'entre intelligent, pourtant t'étais un cancre. T'avais déjà compris que les élites ne restent qu'entre elles. En France, nos chances chancellent. Qu'on est que des pions dans ce grand échiquier, Jacques chancelle. T'aimerais vivre de fric et de chic jusqu'à ce que vienne ce cancer. Qui viendra à 50 ans à faire un taf de merde. Tu te dis que tu veux que dalle, t'es qu'une grosse merde. Même pas sur un trottoir, mais dans un champ de merde. Que l'homme est un chien pour les loups qui nous gouvernent. Ces loups qui nous louent, qui se font leur beurre sur nos découvertes. La nuit, tu dors plus, t'as le web blues. Tu cliques de site en site, de la pub par pack de 12. Tu prends des nouvelles du monde chaque jour aux infos. Tu te fais mettre à l'amende par les impôts. Tu as de braques et des banques, de tout, tout foutre en l'air. Tout foutre en l'air, les mains en l'air, les jambes en l'air. Bang bang, fuck le système. Hello la vie de Youve, être en cavale, se sentir vivre dans les veines, le sang qui boue, lâcher tout. Faire du rodéo sur un dragon, partir vivre avec une blonde et une brune sur un lagon. Fuck les pauvres, fuck les riches, fuck le monde, fuck la religion. Pour toi c'est des histoires, la foi c'est de la contagion. Que tôt ou tard l'homme te décevra. C'est un peu vrai. Trait pour trait, on se ressemble traître pour traître. Dans une sale spirale, au centre de ton propre cyclone. T'aspires le mal de ce monde, mais tu peux pas le contenir. Alors t'exploses, trop d'idées noires comme Grace Jones. Tu veux la vie en rose, en rose, en rose. Cette vie, j'y comprends que dalle. Et je tourne en boucle, en spirale, spirale. À quoi ça arrive au final. Et je tourne en boucle, en spirale, spirale. Ce soir, je vais faire un tour. Je vais faire un tour. Dehors, je vais faire un tour. Car ici, je tourne en spirale, spirale. T'avais tout pour être triste, t'as connu trop de crises. Ils adorent ton sourire, mais c'est des choses qui se disent. Qu'entre intelligents, pourtant t'étais un cancre. T'avais déjà compris que les puissants ne restent qu'entre eux. T'as joué le jeu quand même, eu ton diplôme, t'as mis des larmes dans les yeux de ta mère. Rêve doux amer, diplômé mais taf de merde. T'aimerais vivre de choses simples jusqu'à ce que vienne ce cancer. Tu te contentes de ce que Dieu te donne, tu pries et tu rêves la nuit. C'est vrai que t'as pas d'oseille, mais bon, t'as pas d'ennui. Tu parles peu, certains pensent que t'as pas d'avis, hein. C'est juste que t'as pas envie, les gens apprécient ta compagnie. T'es lumineux, les hypocrites sont pour toi des serpents venimeux. Tu t'es trouvé une petite meuf, t'as pas cherché longtemps. Elle t'aimait, elle était douce, en gros c'est ce qu'il fallait, non. Tranquille le chat, t'es pépère la galinette. Y'a qu'avec celle que tu aimes, mais tu fais des galipettes. C'est vrai que d'autres sont belles, mais ça lui ferait de la peine, non. De foutre sa vie en l'air pour un jet de sperme, non. Tu fais pas de vagues, t'es simple, toujours calme. T'es bien, y'a plein de trucs que tu caches, mais c'est des trucs bien. Tu crois en Dieu, t'économises pour les tiens. Et t'es au centre d'une belle spirale. T'es heureux, ton cercle est vert, tu veux. Cette vie, j'y comprends que dalle. Et je tourne en boucle, en spirale, spirale. À quoi ça arrive au final. Et je tourne en boucle, en spirale, spirale. Ce soir, je vais faire. Si je tourne en spirale, spirale. C'est le morceau préféré de DC sur son album à lui, Translucide. Le morceau s'appelle Spirale avec Mad. À l'instant, c'est ce qu'on écoutait dans Planète Rap entre 20. Et c'est ce que je disais, hein, c'est ton morceau préféré. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est celui-ci, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. En fait, c'est mon morceau préféré parce que on remarquera pour ceux qu'on écoutait ou qui aimeraient réécouter, mm-hmm. que en fait, il y a deux couplets. Donc, il y a un couplet qui s'adresse au côté lumineux d'une personnalité. Et le premier couplet qui s'adresse au côté plutôt dark d'une personnalité et le second au côté lumineux. Et on a tout ça un peu en nous, tu vois. Et j'ai réussi à mettre des mots sur mes différentes personnalités. Je suis bien content d'avoir. D'ailleurs, si vous achetez le CD, ça c'est pour ceux qui achètent en physique, mm-hmm. qui vont aller récupérer le CD, il y a le visuel qui est très explicite, j'ai envie de dire, qui présente les morceaux. C'est-à-dire qu'il y a trois couleurs. Il y a trois thématiques dans le disque. Il y a les sons de la terre, le son de l'eau. Et les sons du ciel, parce que c'est cette métaphore du lotus, comme j'ai expliqué au début, où le lotus c'est une fleur qui prend racine dans le limon, qui traverse l'eau et qui s'épanouit au ciel. Au ciel. Voilà. Donc il y a des sons, les sons du début c'est très dark, très sombre, c'est la terre. Après, au milieu, c'est l'eau, c'est-à-dire que c'est jamais stable, c'est des questionnements sur la vie. Un coup, tu te sens bien, un coup, tu te sens pas bien, et t'essaies d'atteindre cette espèce de sérénité. Donc, il y a une part de spiritualité dans les spirales est un peu à la transition, enfin. Voilà, c'est ça. C'est quand tu vois, t'es entre les deux. T'es entre les deux. Voilà. Bon, sur Skyrock, le Planet Rap, avec dans un instant un gros live. Est-ce que tu veux dire un mot sur les invités? Enfin, sur. Enfin, ouais. Je sais même pas si les invités, sur les surprises. Alors, non, mais. Alors, en fait, j'ai fait un morceau dans mon album qui s'appelle Rap Genius. Voilà, qui dure 7 minutes. Et c'est un titre un peu mégalo, genre je suis un rap genius. C'est pas moi le rap genius. Je pense qu'il y a plein de rap genius. Et c'est juste, quand je dis rap genius, c'est des gens qui font attention à leur texte, qui poussent leur texte et qui ont des métaphores assez riches et assez fortes. Et c'est aussi en référence à un site ouais, français qui analyse les paroles, qui analyse les textes, qui fait de l'explication de texte, si on peut dire. Et je trouve ça très très fort parce que c'est un site qui existe aux États-Unis aussi depuis très longtemps. Voilà, voilà. Qui est décliné en version française, mais qui existe aussi. C'est ça. Aux États-Unis depuis un bon moment. Ouais. C'est ça. Et en fait, je trouve ça fort parce que dans le rap, justement, où on a souvent un regard comme si c'était une musique qui était un peu moins forte que les autres, ou voilà, qui est un peu la petite sœur ou je sais pas quoi de la chanson française. Quand on regarde les textes de rap, eh ben, il y a des textes de rap qui sont extrêmement puissants, extrêmement forts. Et ce site-là les explique et les met en avant, si on peut dire. Et donc ce soir, j'ai invité, des petits invité. Jeunes, si on peut dire, des jeunes pousses, des rookies, comme Attic, voilà, qui est là, comme Nabs aussi. Et puis une personne dont, enfin, que je connais depuis pas mal de temps, qui s'appelle Tiers Monde, qui est un peu dans le Molo Bolo. Dans l'environnement de Medine, Dean Records, tout ça et tout. C'est des gens que j'apprécie beaucoup parce que justement ils ont cette application dans les textes. C'est des gens qui ont des valeurs que je partage. Et voilà. Donc et ben on va parler avec eux dans un instant. Si ben avec grand plaisir. Et alors nous avons aussi une petite question. Petite question à poser pour repartir avec l'album dédicacé de DC's. Et tiens, ça tombe bien, c'est parce que ça concerne le morceau Rap Genius. Alors la question du jour de Rap Genius. Dans le titre Rap Genius, je parle de ma question préférée à moi. Donc la question, c'est: quelle est ma question préférée évoquée dans le titre Rap Genius? Par exemple, chez certains, ma question préférée. Bah, chez certains. Qu'est-ce que je vais foutre de tout cette oseille? Voilà. De Booba et Kaaris. Leur question à eux, c'est: qu'est-ce que je vais faire de toute cette oseille? Ou de cette deniers, ça. Voilà. Petite variante. Exactement. Et moi, ma question préférée, elle est autre. Maintenant, il faut pas comprendre que genre je suis en opposition ou je sais pas quoi. C'est juste que moi. Ah oui. Non, mais parce que tout de suite les gens vont s'en parler. Clash. Attention, DC's Clash Booba. Non, c'est pas ça. C'est juste. En fait, j'expliquais, tu vois, dans ma famille, enfin, pas dans ma famille, dans mon quartier, c'est une vraie famille. Le grand frère, il est en prison. Et le petit frère, il est avocat. Ils ont eu la même éducation, le même contexte familial. Pourtant, c'est des personnalités différentes, tu vois. Donc voilà. C'est ta question, c'est celle que tu poses dans Rap Genius. Et, voilà. Et là, on va accepter parce qu'il y a deux réponses possibles. Eh ben, on acceptera les deux réponses. On peut accepter les deux réponses. Voilà. Donc faut écouter le titre. Et après tes réponses, t'es jonté. Ouais, regarde, en même temps, regarde comme ça défile là. Regarde. Ah ouais, direct. Tu vois défiler un peu ou ça, pas? C'est ceux qui connaissent déjà, c'est les acharnés. Le hashtag DC sur Skyrock, vous laissez bien votre prénom, numéro de téléphone au 41759. Album dédicacé de DC. On revient dans un instant. Il y aura donc un gros live. Bah, juste après ça, parce que ça va être long. Wow. On remettra un morceau peut-être. Ouais, on pourra remettre un petit morceau. Lequel? Allez, lequel? Tout de suite là. Fais-nous saliver. Tu veux réfléchir pendant la pub? Ouais, voilà. Ok. Une petite page de pub et on revient après. You're listening to Skyrock. Comme toi. This is a choisi Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. Spécial DC's toute la semaine entre 20 et 21. C'est la dernière déjà ce soir DC's. On va te laisser repartir sur les routes de France dans 6 jours maintenant. T'es du côté de Lille. C'est ça. À pas louper, à Lille, il débarque. Mars. Il débarque près de chez vous, DC's. Allez le voir en concert. On va passer un morceau juste avant de passer au live et au freestyle par téléphone. Yes. C'est le. Qu'est-ce qu'on a dit en premier? C'est le morceau Banlieusard Syndrome. Banlieusard Syndrome. Voilà. C'est un son de la Terre donc qui est au début. Au tout début. Ouais. Et juste avant, j'ai oublié. Je voulais dire deux trucs. J'ai le temps là. Bah oui, vas-y. Okay. Donc tout à l'heure, je parlais de Tiers Monde. Ils ont fait il a fait un clip extrêmement fort, mais vraiment que je conseille à tout le monde, qui s'appelle Phoenix. Phoenix, ouais, il y a le morceau aussi, ouais, qui tourne. Mais vraiment, le clip, je le conseille à tout le monde. D'ailleurs, allez le voir là, et comme ça, on peut voir les retours des gens là, si vous avez le temps. Ou après. Et pendant la pub. Voilà, okay. Voilà, ok. Mais vraiment, c'est un très, très, très, très, très, très bon clip. Et il y a un autre livre que je voulais conseiller, un livre de quelqu'un qui s'appelle Cher, pour ceux qui connaissent. Get Busy. Voilà, Cher de Get Busy. Get Busy, qui est un des pros. Enfin, ouais. Qui pour moi le le, on va dire le magazine ou le fanzine rap français de référence de toute l'histoire, de tous les temps du monde. Qui voilà. était là depuis très longtemps dans le rap français, voilà. qui a suivi NTM aussi à une époque. Voilà. Et ils avaient monté ensemble le magazine Authentique au moment de la sortie de, je crois, c'est du dernier album, hein, il me semble, de mémoire. Je sais plus. Je crois que c'était le quatrième album d'NTM, voilà. il me semble. Et c'est quelqu'un d'extrêmement pointu, drôle surtout, extrêmement drôle. Et il a écrit un livre qui s'appelle Interdit aux bâtards et qu'on peut trouver c'est, sur. Ça a toujours été le slogan en même temps. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'on peut trouver sur getbusy.bigcartel.com. Mais je le conseille à tout le monde en fait. Voilà. Très bien. Et le concept, c'est bien. C'est tous ces posts Facebook, tout ça et tout. Et ils ont fait une espèce de florilège. Et il est tellement drôle, tellement. Enfin bon, il y a des. Il s'est des barres de rire, mais pas que. Ah, il est bien souvent en forme, ouais. Ouais. Genre de Getbusy. Non, il est très très fort. Si il rappait, je pense que ce serait le meilleur rappeur avec les meilleurs punchlines de tous les temps. Très bien, bah allez mater. Mettra la main de l'écart, je pense. Allez mater ce bon petit conseil lecture. Non, mais de pour DC's. De vrai. Pour de raison. Pour de vrai. Petit conseil lecture pour le week-end. Voilà. Avec This Is. Tu fais quoi d'ailleurs ce week-end, toi, repos ou tu repars? Non, ce week-end je me repose. Demain c'est mon anniversaire, tu vois. Oh, mais attends. Je reste en famille, mes petits poulets, tout ça. Mais c'est mon anniversaire? Ouais, demain. Mais c'est magnifique ça. Ah, alors? Enfin, ouais. 23 ans? Ouais, c'est ça. C'est ça. À l'envers. À l'envers en fait. Enfin, presque. Presque. Bon, This Is, on va écouter le morceau. Maintenant, extrait de l'album Bon Les Arts Suicide. Yes. Poisson rouge à ghetto sud comme je rappe la thèse comme personne. À la cantine quand j'étais piste à base de pop pop pop pop. Si t'en manges pas tant pis pour toi va faire du pop pop pop pop. Ils comprendront rien à ce texte, ce fils de lâche. Si tu viens pas d'un tiex tu capes pas ce qui s'y passe. Les frères font du cash avec ces choses qu'ils cachent. Ces choses qu'ils stockent, qu'ils gardent et qu'ils amassent. Lit superposé petit frère en pyjama. Dors sur un paquet de sable, le pauvre fait des cauchemars. La mère se doute de rien, c'est dehors qu'elle fait le ménage. Dedans c'est la petite sœur, son cousin lui fait des menaces. Lui c'est le petit d'un grand qui lui est le petit d'un grand. C'est comme au bureau, la rue a son organigramme. Des villes, des départements, des quartiers, des clans. Le chef d'orchestre, c'est la pauvreté qui organise les drames. Des petits dealers précaires se font presque la guerre. Des petits chiffres d'affaires convertis en Nikers. Les autres rappeurs font des films, j'rappe des documentaires. En gros, c'est des menteurs, MC metteurs en scène. La rue n'a rien de glamour, ça pue la merde. Les ados ne cherchent pas l'amour, ils cherchent l'hôtel. Passe de la mosquée au film porno, de l'église à la coque. Les études c'est pour les bolos, des bêtises dans la coque. Ça tisse de l'alcool, ça tient le hall. Tellement qu'ils en oublient le goût de l'eau. Vraiment, rien de fancy, la rue c'est triste. La rue c'est crapuleux, c'est dangereux, c'est strict. Les joueurs c'est pas le tableau, même s'ils sont blanchis le traître. Un délinquant le devient, chaque fois qu'un keuf le traite. Aller au collège, la peur au bide. Peur de croiser des mecs armés de tournevis. Pour des embouts de merde, des raisons qu'on oublie. Dans certains cartables, y'a tout un tas d'outils. Et à chaque coin de rue, y'a un test. Alors tu portes le masque du mec de test. Et tu seras jamais à l'aise en dehors chez toi. Y'a peu de questions où tu réponds pas, je sais pas. T'es bipolaire, t'es schizophrène, tête. T'es parano. T'as le banlieusard syndrome. Et si tu connais que la merde, tu seras fier de la merde. Tu en feras ta valeur, la porteras en streetwear. Ils sont comme des ordures privées de cartes mères. Ont du cœur, mais n'ont pas le software. Extrait translucide à l'instant, This Is. Et ce morceau, Banlieusard Syndrome, c'est ce qu'on écoutait sur Skyrock. C'est marrant, il y avait un message en disant c'est le petit frère de Railsan, ce morceau. Ouais. Oui, parce que en fait, tu comprends pourquoi les gens disent ça. Parce qu'il est produit par Skred. Et il y a une texture. Bah, on sent la touche de ce producteur. Donc mais c'est. En même temps, c'est marrant, mais c'est vrai. Est-ce que c'est des gens, voilà, comme cette nouvelle vague, entre guillemets, qui arrivait de gens comme Railsan, qui ont aussi donné. Cette envie de rapper de nouveau à l'époque où t'étais en 2009, où t'es sorti l'album This Is The End. Non. Parce que ça, voilà, tu te dis, ah, non. Il se passe quelque chose là, à ce moment-là, non? Non, en fait, c'est vraiment une concordance des temps. C'est-à-dire que j'avais décidé de revenir, un peu avant que Youssoupha, Orelsan sortent leur disque, ou 1995, et c'est juste arrivé en même temps, en fait. Mais, j'ai pas attendu de voir qui marche pour revenir. Mais pas forcément marcher, mais non, bien sûr. Voilà, il y a une nouvelle vibe, il y a un truc qui est en train de se passer, parce que c'est vrai qu'à l'époque, voilà, quand You This Is The End, on en a parlé cette semaine. Ouais. C'était un moment où le rap t'intéressait plus, où c'est ça. Tu trouvais rien d'intéressant. Bah, en fait, c'est juste, bon, je veux vraiment pas paraître prétentieux, mais à un moment, j'étais un peu seul à proposer le rap que je faisais. Et c'est vrai que depuis 4-5 ans, il y a un style de rap un peu plus, on va dire, détendu sur certains sujets, ou moins enfermé dans certains clichés. Ce style de rap a marché, tu vois ce que je veux dire, et je suis bien content d'ailleurs, tu vois, du succès du Soufa, de d'Orelsan, vraiment ça me fait plaisir, tu vois. Et voilà, et donc c'est cool. En plus, c'est des gens que je connais. Et que t'aimes bien, que tu les as déjà invités aussi dans différents Planètes Rap. Bien sûr, bien sûr. Je me souviens que t'avais accueilli différentes personnalités qu'on a citées là à l'instant. Bien sûr. T'as partagé aussi morceaux avec Orelsan, enfin il y a eu... Exactement. Bon, si on écoutait le freestyle par téléphone maintenant, je te présente l'inso de Colombe. Allô, l'inso. Ouais, Arnaud. Ça va bien ? Bien. En forme ? Calme, ça va, ça va. Bon, prêt à rapper ? Ouais, toujours. Hein. Je te présente D6, qui est notre invité. D6, ça va ou quoi ? Salut, salut. Ton album, il est bien. Hein. Merci beaucoup. Il s'appelle Translucide, cet album, et toi, on t'écoute rapper maintenant. C'est parti. Allez, sur Skyrock, session freestyle. Ok, l'insto. Ah, ok. J'aimerais dire follow me, mais je sais même pas comment ça marche. Le rap tourne au ralenti, je suis allumé, des coups de cravache. Y'a trop de cyber MC pour le rap est une dure tâche. Elle me suit dans mon lycée, salope aval quand je crache. Je le salaire à pato, tu me verras avec une Shakira. Morito sur un bateau, direction Santa Monica. J'emmerderai l'état et les putes qu'on passe loin. Moi chercherai ma pleine pour lui passer la bague au doigt. Mais putain, en attendant, je m'amuserai avec des carvages. J'éviterai les contrôles, mais je suis tout ça. Fini en clé de bras, c'était mon pote. On t'a les coudes, on se voit, c'est ma salope. Lèche-moi les poules, suce. Moi le rap est mort, c'est que je suis la résurrection. On nous accuse à tort tout ça sans aucune raison. Je veux des couilles en or, une piscine remplie de bifons. Ils disent que la banlieue c'est l'échec et que j'en suis un pion. T'as sauté de la falaise croyant savoir nager, mais quand tu files à contre-courant tu finis par te noyer. Passe un petit mot, oh gardien de la paix, préviens les que j'arrive et que je vais les lataner. L'inso à l'instant de Colombe en freestyle. Merci à toi l'inso. Si. Petite dédicace, on peut te retrouver sur le net quelque part, ouais, vas-y. Ouais, dédicace à Erazou, Sistou, Sekma, tous ceux qui me reconnaissent, Nexos, Calme. Eh ben merci à toi, l'inso en freestyle à l'instant. On va filer aussi la réponse, la bonne réponse à la question autour du morceau Rap Genius que vous allez faire en live, que tu vas faire en live dans une version spéciale freestyle dans quelques minutes. Dans Rap Genius, quelle est la question préférée de D6? D'ici, si tu veux pas répondre. Ah, non, je croyais qu'il allait avoir un roulement de tambour. Ok. Boom. Ma question préférée. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire de toute cette jeunesse, mais valable aussi. Ma question préférée. Qu'est-ce qu'on va faire des mecs de Tiex? Et voilà. Donc les deux. Enfin, je sais pas qui a filé les bonnes réponses. On aura le nom dans quelques minutes. Et ben repartent avec les CD dédicacés de D6. D6, est-ce que tu es prêt maintenant pour le freestyle? Je suis prêt. Est-ce que tes invités sont prêts pour le freestyle? Ils sont toujours prêts. Ce sont des MC de très grande qualité et un MC de très grande qualité est toujours prêt. Et ben alors coup d'envoi. Oh ah ah ah ah ah ah ah ah ah. Malaise dans la pièce comme si quelqu'un venait de faire son coming out. Je vais tellement kicker que t'auras trois mots. C'est oh my god, Every Green et Corbet 9-1. C'est mon pédigré, je le mets pas en avant, mais tu ferais bien de pas l'oublier. Je vais fermer leur bouche une fois pour toutes. C'est haineux tous ces genoux. Je vais les foutre à poil, les faire chanter, danser comme à Cancun. Je suis pas que cool, je suis pas que good. Torturé depuis le poisson rouge. Translucide, mon 8ème round. J'ai pas fini donc personne bouge. Les MC bouge, B, me regarde rapper, aimerait me rattraper, me voir rater, me voir raquer, voir pouvoir me racketter. Mais j'aime la boxe, pas le tennis. J'ai les boules et le pénis. Rap génie, je veux être béni, avoir la foi comme un Tchétchénie. Me casse les couilles, me rendre vulgaire. Rap game de merde. En plein jihad contre mon nafs, je pourrais tous les foutre à terre. Mais je veux pas, ah ah ah ah ah ah ah ah, ah je me rabaisse pas, ah ah ah ah ah ah ah ah. Je fais de la musique for the people, pas

Je vais tellement tous les plumer, croiront que leur nom de famille c'est R.I.P. Si c'est nerf de la guerre, je ferai pas de l'oseille, je ferai du PIP. Mon style de rap est prohibé, j'ai trop d'idées, je suis pas trop intelligent, c'est juste toi qui es trop teubé. Ils disent d'ici c'est du rap intello, eux ne font que des jeux de mots. Les initiales MC chez eux, ça veut dire maître Capello. Des punchlines, caramba, tous convaincus que c'est bien. Avec leur jeu de maître, MC Patrick Sébastien. Rappeur débile dans ma ligne de mire, c'est ma bataille de bad. Y'a pas des basses, c'est des de rap en rap, c'est de pire en pire. J'ai pas une barre pour rien, j'ai pris du poids de la bête. Rappeur solo, j'ai la force d'un crew. Pendant que tu les bois, moi je mets des coups. Prends soin de ma sable, soin de ma coupe. Prends soin de ma femme, soin de mon couple. Et je fuis le succès, je sabote mes propres recettes. Tu le savais pas, maintenant tu le sais. Je suis cul nu, prêt à tousser. Et plus rien à cacher, je suis détaché. Dans le sens que je n'ai plus de tâches. Je me suis fâché, autoclashé, je ne suis plus en otage. À tous les étages, le building brûle. Putain, j'ai la rage, j'ai une bulle. Revenu comme Jordan au Chicago Bulls. Maintenant les gars me calculent. Damn. Germont, Nabs, Molo Bolo. Germont, Bolo, Atik, NAB, DC, Phoenix, Sénégal, TKR. Yeah. Oh my god. Germont. Toby Orno Toby. Yeah, c'est le son, c'est le son. Rap, Genius, Phoenix, Sénégal, DKR, DC's. Yeah, c'est parti. C'est le son que j'ai vaillé à la veille. Mama, je repars à la guerre. J'ai des batailles à la tête. Voilà la taille à la tienne. Balak à la France, moi ma thèse. Forge le caractère, je suis balagué. Google moi, balagué. Je n'ai pas attendu de dos et Soral pour être anti-système. C'est le cas de le dire, mon label est le pire cauchemar des citizens. Cherche pas à savoir si je suis zen. Y'a du soul par dizaine, y'a des nourrissons dans tes peines. Y'a des cours d'hygiène pour Goldigan. Y'a des cours d'hygiène pour Goldigan. Une lente agonie, c'est le rythme auquel ils bousillent nos vies. Se sont mis en tête de violer nos filles. Pas le copie de Grey's Anatomy. Vacances en France, pas de chance, pas le même sens de colonie. Moi je ne pense qu'à venger mes sens. Être débranché, cette année tout qui. Fanatique, bombe humaine, se dégoupille. Qui pleure des larmes du Mississippi. Mon petit pays comme mon Blackberry. Dans leur catégorie, manque d'autonomie. Parano où y'a anomalie. Rappelle-moi qui soutenait Ben Ali. J'suis fils de France, Sénégal ou Mali. Descendant de Tessie, descendant de Bombi. Parano, regarde nos gano, cano, renoka, diplôme, cadeau, nos gamins, n'aime la zone. On ne parle pas le bonobo, mais catalogué animaux autonomes, tonné, neuronautique. Debout dans les tribunaux, les derniers sont les numéros uno. La vérité en produit dérivé, la qualité d'une record du no. La paix c'est dangereux, ne cherche pas à le calmer un cancéreux. C'est l'État qui nous crache à la face, qui nous braque, combien assassiné par des gens comme eux. Parano, je pense que je préfère la solitude de ma négritude. J'ai la certitude que c'est le mieux, car pour se haïr il faut être deux. Armée de bâtons que la France a mis dans mes roues, je viens lui péter les jambes. De couteau qu'elle a mis dans mon dos, je viens lui percer les jambes. C'est bête et méchant. Peut-être que je suis têtu, que je m'entête. Tiens tête, je fais de l'entertainement. Utile pour mes soldats qui s'entraînent tellement. Pour faire de l'argent que ça devient volant, mais on s'enterre bêtement. C'est par le savoir qu'on peut faire la guerre au gouvernement. Ouvertement, je viendrai rendre les coups certainement. Menacé de coupure de courant, je pète en visible et je pète les plombs. Oh, y'a pas que les banquiers qui règlent des comptes. La thèse fait des tombes, la thèse fait béton. Je rappe sur des beats mais sur des bruits de 9 mm peu fond. Cric cric boum, cric cric boum. Te demande pas qui court. Appel à la guerre, c'est des escargots. Appel à l'oseille, c'est des kirikou. Ces rappeurs imposteurs vous prennent pour des cons. La date de leur fin quand je sortirai l'hiver vient vous frêle des comptes. Si N-A-B-Z translucide. Trop, trop, trop, trop, trop, D-C's Tiers-Monde. Nabs. Ok, Nabs. Yo. Rap, Genius, Rap, Genius, Genius. Nabs, Attic. Translulu. Nabs. Ok, ça fait 1. Je ne me contente pas du rap français. Loin d'Al-Qaïda, je suis la rap branchée. Je ne m'arrête pas, je me contente d'avancer. Avec ses poids sur les épaules, comment ne pas flancher. Je prends tout, je laisse rien. Je rends fou les miens, je bouffe les tiens. Fred de Skyrock en est témoin. Mon étoile s'est éteinte quand je menais ma vie vivante dans une ville à la Vice City. Pour réussir, on a trois choix: le sport, la musique ou les ascétiques. Je cherche pas l'amour ou l'amitié, car pour ta race, on n'a pas de pitié. J'ai vite compris qu'à la fin du film, dans le générique, je serais pas cité. Titulaire, Indiscutable futur Zizou, je suis sur le banc. On dit que je suis pas pressé, mais la faucheuse ne m'indique pas le temps qu'il me reste à vivre. Je pense qu'à fuir, je vois que dans l'erreur on cherche à m'induire. Je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Je fais pas du rap pour un 300 chevaux. La police veut ma race, les haineux veulent ma place. Je suis un fennec du désert et un lion de l'Atlas. Pour du taf c'était la merde, d'après eux j'ai pas d'expérience. La même rage dans les veines quand le physio m'a dit c'est ça la France. T'es rebeu, t'as pas de meuf, t'as pas de thune, donc pas de teuf, pas de camos, donc pas de seuf, juste une parole et quelques refs. Ma routine, je la vesqui, entre le pilon et les contrôles, chez moi y'a pas d'après-ski. Tête la première, je débat la côte, c'est vrai que j'ai pas de copine, j'aime pas l'épée, je préfère les culs. Je me contente des coquines, première leçon, sache que l'amour tue. La famille m'a ressuscité, quand la femme ne savait que m'exciter. Viser la vie de rêve, scénario typique du mec de cité. Je le dis de personne, personne, mais d'ici je te remercie. Skyrock, planète rap, résonne, freestyle, auditeur, félicite. Je prends du volume comme je prends du niveau. Gros scénario dans ce game, je veux leur trône. Gros gamos, black Maybach, coupé sport et les jantes en chrome. Je dors pas, donc je fais peu de rêve. Les soucis ne font pas de grève. Dans ma tête, y'a pas de trêve. Ma mère s'inquiète que quand je traîne, j'ai l'envie et la harne. Rien sur mon compte épargne. Tu me carottes, je te banane. Je suis perché comme Francis Lalanne et je vous le dis. Je vise le sommet, si j'y grimpe, je reste ta vie en Gucci. Je veux que ma mère se pavane dans les quatre coins du monde sans souci. Ya, Attic, translucide dans les bacs, mon Attic, pote. Va pécho ça, c'est de la bonne cam. Attic. Tiens, this is Attic. Moi c'est Attic, j'connais mieux le rap que tout, j'suis balèze. Dis ton mec, Nas qui se pousse, j'suis à l'aise. Le rap, mon palais, le game c'est ma cave, j'ai des textes, pas de bif dans la mallette. Trop de flow, j'les mets dans leur tombeau, solo tambour. Ma voix est une arme tembo, j'ai pas de table, moi. Sauf s'il y a du jus dedans, j'te le rap, j'fais une petite danse. Il rap pour faire bien, moi j'les baisse comme Cal. J'suis pas Brody, j'vais tous les faire sauter en direct de Sky. C'est notre game, j'ai qu'une femme, pas de dire à ses sales connes. J'déboule comme un guédon, mais je prends pas d'alcool. C'est moi qui prendrai le pactole, j'suis un falcon. Feature légende, feature Barbie comme alcool. Ok, c'était This is Tiamon Attic Nabs. Ali Tiamon Ali Vor Ali Vor Tiamon Nabs Attic. Merci, c'était mon plaisir. Dans les bacs, le meilleur album de rap français de cette année et de toutes les années à venir et des années précédentes. Ravite ma mère. Achetez ça. Il faut prendre Attic pour faire la pub This is. C'est lui qu'il faut que tu prennes. C'est la moindre des choses, non? Ouais. C'est la moindre des choses. Ouais, merci. C'est pas hypocrite, c'est vraiment un bête d'album. Tiens, faisons un petit tour de table, que ce soit pour Nabs, Attic, pour Tiermonde, pour. Excuse-moi, j'ai. Alivor. Donnez-nous un peu 2-3 indications où est-ce qu'on peut vous retrouver, est-ce qu'il y a des sorties. Tiermonde, allez, on commence par Tiermonde parce que je sais que ça arrive bientôt. Il y a Phoenix qui a gagné. Ça arrive, il y a mon album Toby or Not Toby qui est terminé. Il y a mon clip Phoenix qui est disponible sur YouTube. Il y a plein de nouveautés, des petites vidéos à droite à gauche. Morobolo, il faut aller checker ça. Ok. Exactement. Dis-le pour voir comment tu le dis. Morobolo. Non, c'est pas comme ça. Morobolo. Appuie Morobolo. Morobolo. C'est comme ça. Morobolo. Aïe. Ça te plaît? Tiens, Alivor alors. Ouais. Bon, moi, dis Alivor, voilà, je suis venu accompagner mon gars Tiermonde. Je suis chez Dean Records. Du Havre aussi. La nouvelle signature de Dean Records en fait. Voilà. Juste un petit message. Hier, on a perdu un frère au quartier sur un accident de moto. Voilà. Je voulais juste passer un message pour la famille, pour les quartier. Proches. Et tous ceux du quartier sont enfermés. Donc voilà, moi, vous pouvez me retrouver sur Facebook, à Livor, et cette année, ça va arriver sale. Et ben, merci à Livor, Nabs. Ouais. Ouais, bah moi, quelles sont les nouvelles? Les nouvelles, ça bosse Fred hein. Et je sais. Donc on peut me retrouver sur Instagram, Twitter, @nabzfr, NABZFR. Et pour l'instant ça bosse et ça va pas tarder à sortir, Inch'Allah. Attic. Yes. Alors moi j'ai sorti un projet il y a de ça à peu près un mois. Ça s'appelait America 2. C'était la suite d'un premier que j'avais fait, mais c'était plus amateur. Donc vous pouvez retrouver ça sur ma page Twitter, Facebook. Ma page Twitter c'est HATYYO. Voilà. Par contre, les filles, faites attention parce que je suis marié, moi. C'est toujours bon de prévenir, tu as bien raison. Vous pouvez vous faire cogner, c'est facile. Mieux vaut prévenir que guérir, tu as raison. Merci. Voilà. This is, avant de se quitter, on fait tourner la roulette. Ouais. Okay. Skyrock t'offre tes places de ciné Captain America. La roulette qui va tourner avec Caro de Houpline. Houpline, dans le 59. Bienvenue, Caro, je te présente This is. C'est notre invité cette semaine. Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Bonsoir, toute seule. Ça va. Caro, tu as envie de faire tourner. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Eh Et ben voilà Captain America qui débarque mercredi au ciné. T'as 5 places carreaux pour aller le voir, le revoir ou y aller avec des potes, c'est comme tu veux. Va le voir, ouais. Et bah terrible. Merci beaucoup. Je te fais un bisou, Caro. Bisous à tout le monde. Ciao. Ciao, ciao, DC. Merci. Je t'ai coupé un peu la chic. Non, juste. Désolé. Parce, tu sais, avant, quand je venais, quand j'étais plus jeune, je faisais toujours des dédicaces tous les soirs c'est et vrai. Tout, hein. Bah, normal, tu vois. C'est, bah, c'est normal. C'est le rituel. C'est donc le passage un peu obligé. J'ai attendu le dernier soir, mais t'inquiète, ça va pas durer une minute. Bah, vas-y, je t'écoute. C'est bon. Ok, donc déjà, je fais un gros bisou à ma femme que j'aime, à mes enfants. À tous ceux qui sont venus toute cette semaine, donc déjà Tiers-Monde, Nabs, Attic, toute l'équipe de Dean Records, Haroun à qui je suis tous les jours, Max, Marie, Alex qui est là, Atef, Mourad, qui, Gerson, Johan, voilà, et puis mon quartier, les Épunettes toujours, et puis voilà, Def Jam, toute l'équipe de Def Jam. Et puis voilà, une petite dédicace à toi Fred. Et bah merci This Is, voilà. Et merci bonne chance beaucoup. À cet album qui s'appelle Translucide. Yes. Allez voir This Is en tournée, la prochaine date c'est du côté de Lille, c'est dans 6 jours, jeudi prochain. C'est ça. Et puis merci en tout cas pour cette belle semaine vraiment This Is. Merci beaucoup. Oui mes musiciens, Dani, bah Manu, oui. Dave Devry, Deul qui fait la lumière. Enfin voilà, on va pas faire Michel Drucker qui remercie tout le monde. Non mais vraiment voilà, je suis pas tout seul. D'ici c'est un nom tout seul, mais il y a plein de gens avec moi. Il y a une équipe moi. Derrière. Il y a une équipe qui me donne de la force et on a ma famille demandé, tout ça. Est-ce qu'on peut toujours retrouver les suites? Tiens le suite par exemple que tu portes avec la petite pilule. On peut les trouver aussi les fringues de D'ici. Ouais. Alors c'est pas mes fringues à moi. Hein, c'est une marque. Oui, c'est une marque. S'appelle Galvanized. Galvanized en anglais. Galvanized. Galvanized. Galvanized et voilà donc on trouve galvanized.fr on trouve tout ça et tout mon public, tous mes narbis qui me suivent. Vraiment, tu les appelles les narbis toi en fait. Ouais, c'est des narbis voilà. OK, ouais. Les narbis c'est un néologisme inventé par mes petits frères Alassane et Aloussenou. D'accord, voilà. Qui veut qu'on peut traduire par Narbis, c'est sympa en tout cas. Oui, c'est un mot que tu peux placer partout. Quand un mec fait une connerie, tu dis t'es un narbi et quand il a une belle paire de pompes, tu dis oh. T'as vraiment des chaussures de Narbi. Et donc nana mec, ça va dans les deux sens. Tout, il n'y a pas de discrimination là-dessus. Ça va pour tout le monde. Merci This Is vraiment. Merci beaucoup pour cette semaine. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir suivi Planète Rap. Et on va retrouver D-Fool maintenant. Oh, j'ai oublié Emma Soriano. Emma, elle est là, Emma. Qui est mon attachée de presse, que j'embrasse très fort. Vraiment, vraiment beaucoup. Tu veux dire un mot? Ah, Emma m'a balancé un dossier sur toi en plus. Ah, que j'ai oublié de te faire. Ah ouais? Ah ouais, elle m'a dit. Ah, demande à This Is, il faut qu'il nous fasse le chameau. Ouais, comme ça. Ah oui, c'est ça. Bon, pour ceux qui n'ont pas les images, c'est un peu con, mais on mettra la photo. Promis sur skyrock.fm. Exactement. Et la vidéo aussi. C'était magnifique. Merci. Merci beaucoup. Bien fait de te demander le chameau. Mais t'as pas le bruit qui va avec. T'as pas le boum boum boum. Non. Okay. Quand même. Emma, tu sais faire le chameau? Merci DC. Merci beaucoup Greg, Julien, Deja, Maeva, toute l'équipe, Benjamin, vraiment. Bah tiens, il y a certainement un des membres de l'équipe de D-Fool qui sait faire le chameau. Ah, je sais pas. En même temps, je vais pas pouvoir le voir. Ouais, mais ça c'est vrai que c'est dommage à la radio, on peut pas voir. DC avec une tête de chameau, c'était pas mal. Ouais. Ah, ça aurait été pas mal qu'on puisse le voir. On ira faire un tour sur le Planète Rap. On va mettre la photo, on va mettre la capture écran, il y a pas de problème. Momo est déjà su, j'ai l'impression qu'on va attaquer. Donc la capture écran la semaine prochaine. Oui, ou dans 10 jours. Mais il viendra un jour. Ah, il viendra. Et ben on guette. Merci DC. Merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir de te retrouver toute la semaine dans Planète Rap. Merci beaucoup. Et bonne chance pour la suite. Et puis tu reviens quand tu veux. Et merci Fredo. De rien. Semaine prochaine au programme de Planète Rap. Gros Planète Rap la semaine prochaine avec l'équipe de Watibé, Black M de la section d'assaut en solo. Ça y est. Les yeux plus gros que le monde, c'est ce qu'on pourra découvrir dès lundi en exclu. Et bien pas louper. Donc lundi on avait déjà découvert le Madame Pavoshko en exclu. On découvre tout Black M en exclu. Ce soir il y aura un titre aussi dans la nocturne qui s'appelle Katari que je vous balancerai. Ah, celui-ci on connaît pas encore. Non, vous connaissez pas, il arrive. Ah mais il a tourné le clip aujourd'hui. C'est possible Romano, tu es bien renseigné. Ah mais j'ai vu sur Twitter. Et bah écoute, voilà, le son tout à l'heure. Et bien le son à écouter à partir de minuit, Nocturne de Planète Rap à retrouver. Et ça va faire plaisir à Samy, je sais qu'il a besoin de soutien marseillais. Pendant les 20 premières minutes de l'émission, Révolution Urbaine qui débarque de Marseille. Et ils nous font deux titres en exclu de leur projet qui sortira le 5 mai. Donc Révolution Urbaine, qui sont signés sur le label de Soprin Street Skills. On pourra les avoir là, juste après vous. Et bien on sera là nous, puisqu'on vous amène jusqu'à la Nocturne de Planète Rap. Jusqu'à minuit, on est là sur Skyrock. Merci Fred, salut This Is. Ciao. Et attention. Salut, merci. Salut. Et salut à vous, c'est parti jusqu'à minuit, Radio Libre. Ciao. Réveille.